bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, on aura Sonus Umbra du Mexique, Nick Turner d'Angleterre, Niacin des États-Unis, Helmet of Gnat d'Angleterre, Steely Dan des États-Unis, Le Spécial des États-Unis, Solstice d'Angleterre, Split Ends de la Nouvelle-Zélande et Plus 33, qui est une formation multinationale. Et comme à l'accoutumée, eh bien, on a le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Sonus Umbra, qui est un groupe mexicain. Il a débuté en 1999, donc ça fait 21 ans. Et ils ont sorti à la fin de décembre leur septième album, qui s'intitule « A Sky Full of Ghosts ». Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai extrait deux pièces parmi les neuf que constitue l'album. Et je vous rappelle que c'est 64 minutes très généreuses de musique progressive mexicaine. Et les deux pièces que j'ai choisies, bien, c'est « The Waves Will Devour the Sea » et « Hidden in the Light ». We'll be right back. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ce qu'on a entendu avant la pause, c'était le groupe mexicain Sonus Umbra. Et on a entendu deux extraits de l'album A Sky Full of Ghosts qui est paru en décembre de 2020. Maintenant, on va aller avec Nick Turner, qui est un musicien assez connu ici. C'est un des membres fondateurs du groupe Hawkwind, qu'on a entendu à plusieurs reprises à l'émission. Et il œuvre avec certains groupes pour des projets parallèles, dont The Space Falcons and Youth. Et l'album Interstellar Energy a été produit il y a quelques semaines. Et pour vous, j'ai extrait la pièce Solar Probe. Ensuite, on aura un groupe que je connaissais pas et qui m'a été suggéré par un fidèle auditeur de Trois-Rivières. C'est Michel Addison qui, suite à une émission où j'ai fait entendre Parlin Project, Michel Addison me faisait remarquer que ça ressemblait beaucoup à la formation Niacin. Et étant donné que je la connaissais pas, j'ai découvert qu'ils avaient 6 albums studio entre 1996 et 2013. Et pour vous, j'ai choisi la pièce Mean Streets, qui est tirée de l'album Deep, qui est paru en 1999. On va conclure le bloc avec un autre groupe. Il s'agit de Helmet of Nuts, et c'est un groupe qui a 4 albums studio, dont le plus récent en 2020 s'intitule Travelogue, et j'ai extrait de cet album la pièce American Wood Part 1 and 2. Thank you. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Avant de faire un petit retour avant la pause et avant de débuter le troisième bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que toute l'information concernant la musique qui est diffusée durant l'émission Rock de Neurone est disponible sur la page Facebook de l'émission. Maintenant, pour le troisième bloc de l'émission, on va aller en premier du côté de la Grande-Bretagne avec le groupe Solstice. C'est un groupe qui était actif entre 1984 et 2020. Ils ont 7 albums, dont le plus récent s'intitule Sia, et c'est de cet album-là que j'ai extrait la pièce Shout. Ensuite, on va aller du côté des États-Unis, dans le Jazz Fusion, avec un groupe qui était très actif dans les années 80, et j'ai nommé Steely Dan. Leur album que je préfère, c'est Gaucho, et pour l'occasion aujourd'hui, mais je vous propose la pièce titre. Et on va conclure avec un album d'un groupe qui est assez récent. Le groupe s'appelle Le Spécial, et l'album qu'ils ont sorti il y a quelques jours s'intitule Ancient Homies. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Thornberry. Alors, on y va tout de suite avec Solstice. nation's cowboys, such as your friend, will never be welcome here. High in the Costanoan. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant la pause, on avait le groupe américain Le Spécial avec la pièce Thornberry tirée de Ancient Homies. Et ça a été précédé de Steely Dan et la pièce Gaucho. Et en début de bloc, on avait Solstice, un groupe néo-prog d'Angleterre, et la pièce Shout. Ça, c'est extrait de l'album Sia. Bon, maintenant, le quatrième bloc de l'émission est dédié en partie à un groupe néo-zélandais du nom de Split Enz. C'est un groupe que j'ai connu dans les années 70 lors de la parution de leur premier album qui avait été chroniqué à l'époque dans la revue Mainmise. C'était le chroniqueur Claude-Omer Sauvé qui en a fait une description assez intrigante. Alors moi, je me suis procuré cet album-là. Et j'ai tout de suite adoré. C'était du prog assez flyé à l'époque. Et c'est devenu par la suite, après 10 albums studio, c'est devenu Crowded House, pour ceux qui connaissent mieux le groupe de pop rock. Ou encore Neil Finn, là, qui après Crowded House a fait une carrière solo. Mais si je reviens à nos moutons, eh bien Mental Notes a été suivi de Second Thoughts. Et c'est extrait de cet album-là que j'ai la pièce The Woman Who Loves You. Ensuite, le troisième album, c'est Dysrhythmia, duquel on va entendre la pièce Without a Doubt, et ça va être suivi de Stranger Than Fiction. Ça, c'est un retour sur l'album Second Thoughts. Et on va conclure avec un groupe britannique assez doux. C'est le groupe Plus 33, et ils ont un album qui est paru l'année dernière qui s'intitule Open Window, et la pièce que j'ai extraite pour vous, c'est Water. Alors, on y va avec Split Enz, un de mes groupes préférés des années 70. Don't stand a chance. Will I roll my arms? Keep the graveside warm for me. Ever since you shot through, I've crooned for you. Because the woman who loves you is the one. Without her charm, arm in arm, lover's lane would be just a memory. Because the woman who loved me, well, she's dead. We'll be right back. Oh, how we danced. And when she glanced, then I knew she cared for me. Ever since you've been gone, it's been so very long. Because the woman who loves you is the woman you need to hold. But the woman who loved me, while she's dead, she's dead to the world. Down. It's a story of my life.